gorgez-moi, dit-elle, froissant, mais sans avoir l'air d'y toucher sa toison sous la soie. Elle appelle en secret, mais qui sait le plissé de l'amande et le juste milieu qu'elle doit sous la dentelle veut. Quelle fut la demande? Alors, elle a repris son cours, son lit familier, son souffle. Elle a corrigé l'erreur, jeté la page morte. Le soleil revenait de loin pour effleurer la glycine. Ne me dérangez plus, j'écris avec mon sang. Tout recommençait pourtant, tout. Dans un tournoiement de contes blancs, dans un impossible conte, encore, enfin. Elle cherche à la faute une dernière fois. Est-ce que Ninive brûle à la fin? Elle avait oublié.